Leçon 8. Semaine du 14 au 20 mai. La promesse. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Genèse 24 au verset 1. Finalement, comme Dieu l'avait promis, Sarah donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Genèse 21 au verset 2. Et ce dernier nomma l'enfant Isaac. Voir Genèse 21 au verset 1 à 5. Mais l'histoire d'Abraham est loin d'être terminée et atteint un de ses points culminants quand il emmène son fils au mont Moria pour le sanctifier. Isaac, cependant, est remplacé par un bélier. Genèse 22 au verset 13, ce qui signifie l'engagement de Dieu de bénir la nation à travers sa descendance. Genèse 22 verset 17 et 18. Cette descendance, bien entendu, était Jésus. Acte 13 au verset 23. Ainsi, dans cette histoire étonnante et à certains égards troublante, le plan du salut est davantage révélé. Quelles que soient les leçons spirituelles contenues dans cette histoire, la famille d'Abraham a néanmoins dû être ébranlée et l'avenir d'Abraham n'est pas clair. Sarah meurt après le sacrifice à Moria, Genèse 23, et Isaac reste célibataire. Abraham prend ensuite l'initiative pour s'assurer que le bon avenir le suivra. Il arrange le mariage de son fils avec Rebecca, qui donnera naissance à deux fils, Genèse 25, versets 21 à 23, et Abraham lui-même épouse Keturah, qui lui donnera de nombreux enfants, Genèse 25, au verset 1 à 6. Cette semaine, nous suivrons Abraham jusqu'à la fin de sa vie, Genèse 25, versets 7 à 11. Dimanche 15 mai, le mont Moria. Lisez Genèse 22, versets 1 à 12 et Hébreux 11, au verset 17. Quel est le sens de ce texte? Quelle leçon spirituelle peut-on tirer de cet événement extraordinaire? Genèse 22 est devenu un classique de la littérature mondiale et a inspiré philosophes et artistes, en plus des théologiens. La signification de la mise à l'épreuve divine est cependant difficile à comprendre. Cet ordre divin contredisait l'interdiction biblique ultérieure concernant les sacrifices humains, Lévitique 18 au verset 21, et il semblait assurément aller à l'encontre de la promesse d'une alliance éternelle à travers Isaac, Genèse 15 au verset 5. Quel était alors l'objectif de Dieu en appelant Abraham à agir de la sorte? Pourquoi le mettre à l'épreuve d'une manière aussi intense? La notion biblique de mise à l'épreuve en hébreu Nissa englobe deux idées opposées. Elle renvoie à l'idée de jugement, c'est-à-dire un jugement qui permet de savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne, Deutéronome 8 au verset 2, voire Genèse 22 verset 12. Mais elle donne aussi l'assurance de la grâce de Dieu en faveur des personnes mises à l'épreuve, Exode 20 verset 18 à 20. Dans le cas présent, la foi d'Abraham le conduit au point où il court le risque de perdre son avenir, sa postérité. Et pourtant, comme il fait confiance à Dieu, il va faire ce que Dieu lui demande. Peu importe combien tout cela est difficile à comprendre. Après tout, qu'est-ce que la foi, sinon croire à ce que nous ne voyons ou ne comprenons pas pleinement? De plus, la foi biblique ne concerne pas notre capacité à donner à Dieu et à faire des sacrifices pour lui, bien que cela joue un rôle sans aucun doute. Romains 12 au verset 1. Mais c'est plutôt notre capacité à lui faire confiance et à recevoir sa grâce tout en comprenant combien nous sommes indignes. Cette vérité est réaffirmée dans ce qui a suivi. Toutes les œuvres d'Abraham, toutes ses actions pleines de zèle, son trajet douloureux avec son fils et même son empressement à obéir et à offrir à Dieu le meilleur de lui-même, aussi instructif qu'il soit, ne pouvant pas le sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même avait pourvu un bélier pour le sacrifice prévu qui lui-même renvoyait à un seul espoir de salut, Jésus. Abraham devait ainsi comprendre la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres pour Dieu qui nous sauvent, mais l'œuvre de Dieu envers nous. Éphésiens 3, verset 8, voir Romains 11, au verset 33. Même si nous avons été appelés comme Abraham à travailler pour Dieu, ce que les actes d'Abraham incarnent avec impuissance. Jacques 2, verset 2 à 23. Que nous apprend l'histoire d'Abraham et Isaac sur le mont Moria, sur votre foi personnelle et sur la manière dont vous la manifestez. Lundi 16 mai, Dieu pourvoira. Lisez Genèse 22 au verset 8, 14 et 18. Comment Dieu a-t-il réalisé sa promesse selon laquelle il pourvoirait? Qu'a-t-il pourvu? Quand Isaac posa la question sur l'animal sacrificiel, Abraham donna une réponse fascinante. Dieu se pourvoirait en personne de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22 au verset 8. Pourtant, la forme verbale en hébreu peut en réalité vouloir dire « c'est lui-même que Dieu pourvoira pour l'agneau ». Le verbe « pourvoir », « yiré lo », est employé d'une manière qui peut vouloir dire « se pourvoir lui-même » ou littéralement « se voir lui-même ». Ce qui nous est montré ici, ainsi, est l'essence même du plan du salut avec le Seigneur qui s'offre et qui paie lui-même le prix de nos péchés. Lisez Jean 1 au verset 1 à 3 et Romains 5 verset 6 à 8. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre ce qui est arrivé à la croix et qui préfigure le sacrifice sur le mont Moria? Là, au mont Moria, bien avant la croix, le bélier sacrificiel, retenu par les cornes dans un buisson, renvoyait directement à Jésus. Il est celui qui est vu. Ici, comme Abraham l'explique plus tard, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Genèse 22, au verset 14. Jésus lui-même avait parlé de la déclaration prophétique d'Abraham quand il dit « Faisons l'écho à la déclaration d'Abraham. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jean 8, au verset 56. Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Ellen White, patriarche et prophète, pages 132 et 133. En quoi ce qui est arrivé ici nous aide-t-il à mieux comprendre ce qui est arrivé à la croix et ce que Dieu a souffert pour notre compte? Comment devrions-nous réagir devant ce qu'il a consenti pour nous? Mardi 17 mai, mort de Sarah. Genèse 22, verset 23, nous relate la naissance de Rebecca qui anticipe le futur mariage en Isaac et Rebecca. Genèse 24, de la même manière, l'annonce de la mort et l'ensevelissement de l'épouse d'Abraham, Sarah, Genèse 23, anticipe son futur mariage avec Keturah. Genèse 25 au verset 1 à 4. Lisez Genèse 23. Quelle fonction l'histoire de la mort et de l'ensevelissement de Sarah remplit-elle dans l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham? Bien que l'on ignore ce que Sarah savait de l'incident après sa survenue, on peut en déduire qu'elle a fini par apprendre ce qui s'était passé. La mention de la mort de Sarah après l'histoire du sacrifice d'Isaac indique qu'elle a pu être affectée par cet incident qui a presque coûté la mort de son fils. En quelque sorte, Sarah était également impliquée dans l'épreuve avec son mari tout comme elle l'était dans les voyages et les baisses de foi occasionnelles d'Abraham. Genèse 12, versets 11 à 13. Sarah n'était pas le genre de femme à se taire sur des questions qui étaient importantes ou inquiétantes. Voir Genèse 16, versets 3 à 5, Genèse 18, versets 15, Genèse 21, versets 9 à 10. Son absence et son silence, et même le timing de sa mort suite à cet événement dramatique, en disent plus sur sa pertinence dans les événements que sa présence physique. Le fait que le grand âge de Sarah soit mentionné, Genèse 23, verset 1, en écho au grand âge d'Abraham, Genèse 24, verset 1, montre son importance dans l'histoire. En réalité, Sarah est la seule femme dans l'Ancien Testament dont on mentionne le nombre des années, ce qui pourrait montrer son implication dans l'histoire même après les événements. Le fait qu'il soit question de l'achat de l'endroit pour l'enterrer, sujet qui couvre la plus grande partie du chapitre, plutôt que de sa mort, souligne le lien avec la terre promise. Il est précisé que Sarah est morte dans le pays de Canaan. Genèse 23, verset 22, ce qui souligne que sa mort est enracinée dans la promesse que Dieu a faite de leur donner le pays. Sarah est la première personne dans le clan d'Abraham à mourir et à être ensevelie en terre promise. Le fait qu'Abraham soit tourné vers lui-même, un étranger et un résident temporaire parmi vous. Et son argument insistant sur les Hittites montre qu'il ne s'intéresse pas seulement à l'acquisition d'un lieu d'ensevelissement. Il voudrait principalement s'installer définitivement dans le pays. Lisez Genèse 23 au verset 6. Que nous indique ce verset sur le genre de réputation qu'avait Abraham? Pourquoi cet élément est-il important pour comprendre ce pourquoi le Seigneur l'a utilisé? Mercredi 18 mai. Une épouse pour Isaac. Genèse 24 raconte l'histoire du mariage d'Isaac après la mort de Sarah. Les deux histoires sont liées. Lisez Genèse 24. Pourquoi Abraham est-il préoccupé que son fils n'épouse pas une femme parmi les Cananéennes? De la même manière qu'Abraham voulait acquérir un terrain pour inhumer sa femme, en raison de la promesse que Dieu avait faite à ses descendants, il insiste à présent pour qu'Isaac ne s'installe pas non plus en dehors de la terre promise. Genèse 24, verset 7. De plus, le fait qu'Isaac emmène sa fiancée dans la tente de Sarah et la mention que Rebecca consola Isaac de la mort de sa mère, Genèse 24, verset 67, renvoie à la mort de Sarah, ce qui implique qu'Isaac a eu du chagrin à la perte de sa mère. L'histoire est pleine de prières et d'accomplissements de prières, et riche de leçons sur la providence de Dieu et sur la liberté humaine. Elle commence par les paroles d'Abraham. Jurant par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, Abraham reconnaît tout d'abord Dieu en tant que créateur. Genèse 1, verset 1, Genèse 14, verset 19, avec une portée directe sur les naissances des descendants d'Abraham, y compris le Messie lui-même. La référence à son ange et au Seigneur, le Dieu du ciel, renvoie à l'ange du Seigneur descendu du ciel pour sauver Isaac. Genèse 2, verset 1. Le Dieu qui contrôle l'univers, l'ange du Seigneur, qui est intervenu pour sauver Isaac, dirigea les choses dans cette question de mariage. Abraham envisage cependant l'éventualité que la femme ne répondra pas à l'appel de Dieu. Aussi puissant qu'il soit, Dieu ne force pas les humains à lui obéir. Bien que le plan de Dieu pour Rebecca soit qu'elle suive Eliezer, elle conserve sa liberté de choisir. Autrement dit, il est possible que cette femme ne veuille pas venir et dans ce cas, elle ne serait pas contrainte à suivre le serviteur. Ainsi, nous avons là un exemple de grand... Ainsi, nous avons là un exemple de ce grand mystère que Dieu nous a donné, à nous humains, le libre arbitre, le libre choix, une liberté qui ne piétine pas. S'il le faisait, ce ne serait pas du libre arbitre. Et pourtant, curieusement, malgré la réalité du libre arbitre et les nombreux choix terribles que les humains font avec, nous pouvons toujours avoir confiance que l'amour et la bonté de Dieu finiront par l'emporter. Pourquoi est-il réconfortant de savoir que bien que tout ne soit pas la volonté de Dieu, il demeure aux commandes? En quoi les prophéties, comme Daniel 2, par exemple, nous font-elles bien comprendre cette idée? Jeudi 19 mai, une épouse pour Abraham. Lisez Genèse 24, versets 67 à 25, verset 8. Quelle est la signification de ces derniers événements dans la vie d'Abraham? Après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Comme Isaac, il est consolé après la mort de Sarah. Genèse 24, au verset 67. Le souvenir de Sarah devait certainement être encore vivace dans l'esprit du patriarche, comme il l'est dans celui de son fils. Cependant, l'identité de sa nouvelle épouse n'est pas claire. Le fait que le chroniqueur associe le fils de Keturah au fils d'Agar, sans mentionner le nom de Keturah, indique cependant que Keturah était peut-être, comme certains l'ont suggéré, Agar. Nous l'ignorons. Il est également significatif qu'Abraham se comporte avec le fils de Keturah de la même manière qu'avec le fils d'Agar. Il les chasse pour éviter toute influence spirituelle mauvaise, pour faire une distinction claire entre le fils qu'il a eu avec Sarah et les autres fils. Il donne aussi tout ce qui lui appartenait à Isaac, tandis qu'il fit des dons au fils de ses concubines. Ce terme de concubine peut également impliquer que le statut de Keturah, comme Agar, était celui d'une concubine. Si Keturah était aussi Agar, cela pourrait également expliquer l'allusion subtile au souvenir de Sarah comme prélude au mariage d'Abraham avec Keturah Agar. Ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 25 au verset 1 à 4, 12 à 18, nous avons une liste des enfants qu'Abraham a eus avec Keturah, ainsi qu'une liste des enfants d'Ismaël. Cette généalogie qui suit le mariage d'Abraham avec Keturah, qui lui a donné 6 fils par opposition à ses 2 autres fils, Isaac et Ismaël, sert peut-être à donner des preuves immédiates de la promesse de Dieu. Abraham serait le père de nombreuses nations. La deuxième généalogie concernant les descendants d'Ismaël, composée également des 12 tribus, Genèse 17 au verset 20, tout comme Jacob plus tard, Genèse 35 au verset 22 à 26, même si l'alliance de Dieu était réservée à la descendance d'Isaac, bien entendu, Genèse 17 au verset 21, et pas à celle d'Ismaël, au point selon laquelle la Bible est très claire. La mention de la mort d'Abraham est coincée entre les 2 généalogies. Genèse 25, 7 à 11 atteste également de la bénédiction de Dieu. Elle révèle l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, faite bien des années auparavant, à savoir qu'il mourrait après une heureuse vieillesse. Genèse 15 au verset 15, ayant vécu de nombreux jours, voire Ecclésiaste au verset 3. Au final, le Seigneur a tenu les promesses de grâce faites à son fidèle serviteur Abraham, dont la foi est décrite dans les Écritures comme un grand exemple, sinon le meilleur exemple dans l'Ancien Testament du plan du salut par la foi. Romains 4, au verset 1 à 12. Vendredi 20 mai, pour aller plus loin. Comme Abraham était le prophète extraordinaire avec lequel Dieu avait partagé ses plans, Genèse 18 au verset 17, Dieu fit son entrée dans la sphère humaine d'Abraham et partagea avec lui, dans une certaine mesure, son plan du salut à travers le sacrifice de son fils. Isaac représentait le Fils de Dieu offert en sacrifice pour les péchés du monde. Dieu voulait faire comprendre à Abraham le plan du salut. Pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile, tout autant que pour éprouver sa foi, Dieu lui demanda de sacrifier son fils bien-aimé. Toute la souffrance et l'agonie qu'Abraham endura dans cette sombre et effrayante épreuve avait pour but de faire une profonde impression sur lui afin qu'il comprît le plan de la rédemption en faveur de l'homme perdu. Il devait savoir, par sa propre expérience, combien est inexprimable le renoncement de Dieu qui a donné son fils unique pour qu'il mourût, afin de sauver l'homme de la ruine. Pour Abraham, aucune torture morale n'aurait pu être comparable à ce qu'il endura en obéissant à l'ordre divin d'offrir son fils en sacrifice. Ellen White, Témoignage pour l'Église, volume 1, page 406. Parvenu à un âge avancé et augurant une mort prochaine, Abraham songea à prendre une mesure importante en vue de l'accomplissement de la promesse divine relative à la postérité. Isaac, son héritier, choisi pour lui succéder comme gardien de la loi de Dieu et père du peuple élu, n'était pas marié. Pour Abraham, le choix d'une épouse pour son fils avait une extrême importance, surtout quant à l'influence qu'elle pourrait exercer en ce qui concerne la vraie foi. Or, les habitants de Canaan étaient idolâtres et Dieu avait défendu à son peuple de s'unir à eux par le mariage. Ces unions étaient de nature à l'entraîner dans l'apostasie. Abraham craignait que, lié à une personne étrangère au culte de Jéhovah, son fils ne fût en danger de sacrifier ses principes par amour de la paix. Quant à Isaac, plein de confiance en la sagesse et en l'affection de son père, il s'en remettait à lui à ce sujet, assuré que Dieu lui-même dirigea le choix qui sera fait. Ellen White, Patriarche et prophète, pages 149 à 150. À méditer, en classe, parler de la bonne volonté que met Abraham à sacrifier Isaac. Essayez d'imaginer le genre de foi que révèle ce récit. Qu'y a-t-il de si étonnant et en même temps troublant dans cette histoire? Qu'en est-il du libre arbitre? Pourquoi notre foi n'a-t-elle aucun sens sans la réalité de libre arbitre? Dans la Bible, quels exemples avons-nous du libre arbitre et de la manière dont, malgré les mauvais choix que font les gens, la volonté de Dieu finira par s'accomplir ?